Pages arrachées à Lewis Carroll. Premier épisode. Enfant précoce et brocanteur de merveilles. Les Gazettes familiales. 1848-1855. Enregistré sans public à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Le 27 janvier 1832, à Daresbury, dans le comté de Cheshire, naît Charles Ludwidge Dodgson. 18 ans plus tard, il entre au Christ Church College à Oxford. D'étudiant, il y deviendra professeur de mathématiques. Des années plus tard, ses anciens élèves se souviendront de lui comme d'un professeur guindé, vêtu de noir, avec son faux col d'ecclésiastique, prononçant ses cours d'une voix monocorde et bégayante. Toute sa vie durant, il étudie la théologie et les mathématiques et fait paraître des ouvrages scientifiques, notamment sur la logique, discipline qui le passionne. Parallèlement, en 1850, il écrit deux pièces pour un théâtre de marionnettes. En 1853, il compose de la poésie et en 1855, il envoie des vers absurdes et des devinettes au Comic Times qui les publie. En 1856, le rédacteur du magazine qui continue à faire paraître ses poèmes et nouvelles lui demande de trouver un nom de plume. C'est la naissance de Lewis Carroll. Il a 24 ans. Dès lors, Charles Dodgson, le mathématicien, et Lewis Carroll, le magicien, ne cesseront plus de cheminer ensemble. En avril 1856, Lewis Carroll fait la connaissance d'Alice Liddle, fille du doyen de Christ Church. 6 ans plus tard, le 4 juillet 1862, au cours d'une promenade, il improvise un conte pour distraire la petite Alice et ses sœurs. C'est l'ébauche des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, qui sera publiée en 1865. Mais bien avant de devenir l'inventeur d'Alice, le très jeune Charles Ludwidge écrit avec ses frères et sœurs 3 magazines, reproduits soigneusement à la main et destinés à un public familial. Le magazine du presbytère en 1848, le parapluie du presbytère en 1850, et enfin, Mishmash, traduit en français par Mélie Mélo, en 1855. Extrait. Pensez sur les chardons. Combien étranges et inattendus sont les aléas de la vie. Moi qui autrefois me forgeais maint rêve plaisant de future grandeur, d'un temps où je serais admiré et recherché par tous mes compatriotes, où les monarques daigneraient me prendre à leur service, et où des milliers de gens se prosterneraient à mes pieds, où je marcherais sur des fleurs et de somptueuses draperies de satin, où mon caparaçon serait d'or et d'argent, et ma selle de plus riche maroquin, où mes repas seraient du maïs de la meilleure qualité et m'attendraient dans des auges de bois d'Inde. Moi qui m'abandonnais jadis à ces exquises méditations, me voilà qui broute des chardons. Que voulez-vous ? Les vicissitudes de la vie sont diverses. Comme on l'a entendu dire un jour au grand philosophe chinois Confucius, d'une voix imperceptible et alors qu'il n'y avait personne dans les parages. Elles sont très diverses. Il est impossible de compter sur elles. À partir de dorénavant, j'ai donc décidé de prendre les événements comme ils viennent, d'adapter ma conduite aux circonstances, d'endurer courageusement les semonces et les coups de pied que mes maîtres peuvent juger bon de m'octroyer, et de ne leur répondre que par la plus imperturbable obstination. Telles étaient les pensées de l'un des membres de cette très patiente espèce animale, un âne, qui attendait tranquillement sur les bas-côtés de la route le retour de son maître parti chercher un sac de charbon. Nous avons l'honneur de déclarer sans hésitation aucune que nous nous en faisons l'écho chaleureux, et il nous reste seulement à faire observer que nous n'entendons donner aucune nuance péjorative à ces remarques, que nous n'avons nul désir de prendre notre lecteur pour un âne, quand bien même il aurait l'habitude de faire l'âne. Choses en général. À peine étiez-vous parti, Scott. La question « Quelle est votre opinion des choses en général ?» est souvent restée sans réponse. Elle circule depuis si longtemps et avec une telle constance parmi les petits esprits que nous éprouvons quelques craintes à traiter d'un sujet si rebattu. Pour le présent, notre intention est de tenter un semblant de réponse à cette délicate question. Nous savons que tout ce que nous pouvons voir, toucher, considérer, est une chose. Si la question se limitait à une chose en particulier, comme... Quelle est votre opinion sur le gâteau aux groseilles d'hier? Ou... Quelle est votre opinion sur mon nouveau chapeau? Nous pourrions répondre... J'ai jamais vu pire. Ou... Oh, quelle horreur. Selon le cas, en toute confiance et sans la moindre difficulté. Mais c'est tout autre chose quand la question s'élargit indéfiniment. Car nos opinions sur des choses différentes sont assurément aussi différentes que les choses elles-mêmes. Et il semblerait impossible de les confondre toutes en une seule. Si la question était « Quelles sont vos opinions des choses en général ?» on pourrait donner une réponse. Mais il faudrait des volumes pour la formuler. Après mûre réflexion, nous ne voyons qu'une façon de se tirer de cette difficulté. Puisque celui qui pose la question ne peut, selon toute éventualité, s'affecter ni se soucier de ce que peut être votre opinion, il appert que la réponse la meilleure et la plus satisfaisante à cette question est de demander, d'un ton sévère et réprobateur, « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Mais. Mais gardons-nous de trop de fureur, Goldsmith. Je voudrais avoir un château magnifique et resplendissant, érigé dans une suprême élégance et noblesse de style, des jardins superbes, pleins des fleurs les plus rares et les plus raffinées, un parc immense et somptueux, peuplé de serres, regorgeant de cascades naturelles et de fontaines artificielles avec des allées plantées d'arbres feuillus, une énorme bibliothèque contenant tous les livres jamais imprimés dans le monde. Je voudrais avoir tous les plaisirs et tous les agréments que peut offrir la fortune. Mais je ne peux pas. Hélas, lecteur, combien de lumineuses visions de féeriques châteaux en Espagne se sont effacées devant l'influence toute puissante de ce petit monosyllabe « mais ». Comme l'a judicieusement fait remarquer le docteur Johnson, « la barbue voudrait être un turbo, mais... elle ne peut pas. » Napoléon aurait voulu conquérir toutes les terres habitables, y compris l'Angleterre, mais il ne l'a pas fait. Et nous-mêmes voudrions bien prolonger ce docte article sur des pages et des pages, jusqu'à temps que notre lecteur s'endorme à force de lassitude, mais nous ne trouvons plus rien à dire. Laïus laitier. Longue est la liste des éléments du lait, si longue qu'elle lasserait le lecteur. C'est lundi, et l'alerte laitière, une mélodie légère aux lèvres, longe la lande. Les lourdes vaches lambinent à l'encontre de la laitière. Là-bas, les larbins en liquette livrent le lait livide et luisant. L'or, laitiers, laboureurs, lords et ladies se lèchent à loisir les lèvres après les libations. Des louches. Lecteur, tu te lamentes de la licence et la lâcheté des laitiers qui lèsent celles qui leur lèguent leur lait. Je m'alarme à l'idée des larrons que l'on voit en ces lieux léser lamentablement les louables vaches laitières, légions de lugubres lascars. Ne leur laissons pas un liard. Leur laxisme les lie aux loufoques lunatiques. Mais laissons là ces légèretés. J'ai lu lundi une lettre d'un lecteur libéral. Libéral il est, mais nous déplorons la lettre car elle entre en lice contre notre littérature. Sa lecture nous a alanguis et nous a laissés à la limite des larmes. Ne laissons pas s'élever la polémique ou les litiges. Le lecteur doit collaborer à notre littérature, alors elle se renouvellera largement, luttant contre la lénifiante léthargie. Laissez-moi là le loisir d'alléguer que, si ces lignes sont un laïus laitier, du latin lacteus, le magazine, lui, sera longtemps délectable au lecteur. Critique. Texte à supprimer si l'ensemble est trop long. Conformément à notre coutume mensuelle, nous procédons à l'examen des ouvrages publiés le mois dernier qui ont été soumis à notre approbation. En premier lieu, vient un lourd volume, La logique naturelle, par le professeur Podel, qui se présente comme un assortiment de postulats tirés d'observations de la nature. Ces postulats sont aussi pesants que le livre et pour notre pauvre intelligence, parfaitement indigestes. Prenons la première phrase de son chapitre sur les têtards, page 46. À cet égard, nous souhaiterions déduire encore plus de postulats que nous n'allons le faire. D'abord, les processus de réverbération de la nature, en tant qu'entremêlés avec les calomnies... Quelles calomnies ? ...de l'astronomie, offrent au plaisir du regard une image variée comme le kaléidoscope perpétuel. Nous n'en avons jamais vu. La probabilité de paralysie est, dirions-nous, plus grande... Que quoi ? Vous imaginez un peu ? Que l'infériorité d'autres éléments en tant que combinés dans la réciprocité de réaction. Lecteur, si vous comprenez, vous êtes plus avisé que nous. Suit le papillon boiteux, fable pour les jeunes. Nous dirions pour les tout petits de moins d'un mois, témoin le passage ci-dessous. Ma petite souris Boudi chérie a dit au papillon « Au revoir, minou !» Ta ta pète, fais bien attention qu'aucun loup-garou ne blesse mon petit poussinou. Nous pensons que ça pourra suffire. Le suivant est le premier livre de questions de l'enfant, par une dame. Nous jugeons les questions plutôt farfelues et les réponses encore plus. Mais bien sûr, l'auteur peut s'en faire elle-même juge. Qui était Alexandre le Grand ? Pardon, madame, je ne sais pas. Mais je crois qu'il était roi d'Angleterre. Qui était roi de France ? Louis XI. Qui était roi de Rome ? Servius Pollius. Qui était roi d'Angleterre ? Henri III. Alors, tu vois bien que ce ne pouvait pas être Alexandre. Voyons, quel autre pays reste-t-il ? La Chine. Qui était empereur de Chine ? C'est pas, madame. Qu'auras-tu si tu n'es pas sage ? Sans ligne. Alors, quelle conclusion en tires-tu ? Madame, je serai sage. Mais non, je voulais dire que Xian Lin était empereur de Chine, donc ce ne pouvait être Alexandre. Qui était Alexandre ? Le roi de Macédoine. Huit questions s'intercalent entre la question et la réponse. Quant aux effets sur le malheureux enfant, le lecteur appréciera. Baliverne sur les longues vues. Prêtez l'oreille, Goldsmith. Nous ne voudrions pas vous donner à penser, cher lecteur, que parce que ce sont des balivernes, ceci ne mérite pas votre lecture attentive. Car nombreux sont les livres dont, nous en sommes bien assurés, la lecture vous enchante et qui sont néanmoins tout autant de balivernes que notre gazette. Voire peut-être encore davantage. Car beaucoup d'entre eux ne contiennent rien de très instructif ni de très profitable pour leurs lecteurs, alors qu'en parcourant attentivement nos colonnes tant renommées, vous pouvez accumuler une certaine provision de connaissances utiles et agréables. Ne souriez pas devant cette assertion, nous savons cela d'expérience. Durant le temps même où nous écrivons, nous sentons que nous grimpons peu à peu sur l'échelle de l'élévation morale. Chaque numéro du magazine que nous publions nous fait gravir 2 degrés. Et tout aussi sûrement, en fait gravir 3 au lecteur attentif. Oui, lecteur, si vous avez lu soigneusement et avec toute l'attention requise les 7 numéros du magazine qui ont déjà paru, nous sommes garants que vous avez gravi 21 degrés sur l'échelle de l'humanité depuis le début. On peut prouver de manière satisfaisante que ce fait ne souffre aucun doute. Grâce au résultat de la simple multiplication, 7 fois 3 font 21. Ceci doit convaincre les plus sceptiques. Vous aurez beau discuter, le fait têtu n'en demeure pas moins. Les faits sont têtus, comme l'a fait remarquer à ce qu'on dit Madame M à Monsieur F pour clore un débat long et fastidieux. On dit qu'il a répondu « Alors, quel fait Madame doit être ?» Mais nous espérons, pour l'honneur de l'humanité, qu'il ne l'a pas dit. Nous répétons, lecteur, que la lecture de notre magazine vous procure une élévation morale. Laissez votre cœur bondir à cette idée. Bien que, assurément, cette recommandation apparaisse un tant soit peu superflue, puisque les mouvements du cœur étant reconnus comme involontaires par les plus grands anatomistes, il ne sera pas en votre pouvoir de l'en empêcher. Et maintenant, lecteur, si vous supposez que nous nous sommes éloignés du sujet, tout ce que nous pouvons dire, c'est « Nous plaignons votre manque de discernement ». Note de zoologie. Pixies. L'origine de cette curieuse race de créatures n'est pas actuellement connue. La meilleure description que nous en puissions recueillir, c'est qu'elles sont une espèce de fées d'environ 2 pieds de haut, d'aspect menu et gracieux. Elles sont couvertes d'une sorte de fourrure tirant sur le roux foncé. Leur visage exprime généralement la douceur et la bonne humeur. La première de ces qualités explique sans doute pourquoi les renards en sont si friands. Par Coleridge, nous apprenons l'effet complémentaire suivant. Qu'elles ont des ailerons membraneux, quelque chose comme les ailes des libellules, qu'elles hument la rosée et parfumée de la fleur du genêt. Ceci toutefois ne saurait être qu'au déjeuner, car elles s'évaporeraient avant l'heure du dîner. Et qu'elles ont coutume de faire étinceler leurs pieds de fée en de folâtres ébats. Ou pour parler un langage plus courant, de danser la polka comme des enragés. Une vieille légende anglaise, trop familière à la plupart de nos lecteurs pour qu'il soit nécessaire de la reproduire ici, nous apprend qu'elles ont une grande affection pour les navets crus. Nourriture décidément plus vulgaire que la rosée parfumée. Et l'usage qu'elles font de baratte et de bouilloire nous permet de conjecturer qu'elles ne sont pas sans connaître le thé, le lait, le beurre, etc. Ce sont de passables architectes, bien que leurs maisons doivent avoir inévitablement quelque chose de l'apparence de grandes niches à chiens. Et elles vont à l'occasion au marché, encore que la façon dont elles se procurent l'argent dans ce dessin soit restée jusqu'à présent un mystère inexpliqué. Voilà tous les renseignements que nous avons été à même de réunir sur cet intéressant sujet. Dans notre prochain article, nous nous proposons de discuter l'histoire naturelle du lori. Le lori. Cette créature est, pensons-nous, une sorte de perroquet. Southey nous apprend que c'est un oiseau au pennage splendide. Et notre opinion personnelle est qu'il n'en a jamais existé qu'un seul spécimen, dont nous allons maintenant, dans la mesure du possible, révéler l'histoire à nos lecteurs. L'époque et le lieu de la naissance du lori sont incertains. L'œuf dont il sortit était très probablement, à en juger d'après la couleur de l'oiseau, un de ces magnifiques œufs de Pâques, comme nos lecteurs ont dû en voir souvent. L'expérience de couver un œuf de Pâques vaut en tout cas la peine d'être tentée. Qu'il soit tombé en la possession de Cambéo, ou Cupidon, dès l'âge le plus tendre, c'est ce que rend évident son extrême docilité quand nous voyons celui-ci l'employer, selon toutes les apparences, sans selle ni bride, comme une sorte de poney de chasse, dans le poème de Southey, La malédiction de Kehama. Il est inutile que nous racontions son histoire telle qu'elle est rapportée dans cet ouvrage, puisque nos lecteurs peuvent en prendre connaissance directement. Aussi passerons-nous tout de suite à la conclusion. Lorsque Kehama eut troublé le repos des dieux, et qu'en châtiment de ce forfait, il eût été roussi sous les influences combinées du regard irrité de Siva et du breuvage d'Amrita, qui devait être quelque chose comme du curry liquide. Il est plus que probable que dans la débâcle universelle qui s'ensuivit, les affaires de Cambéo eurent à souffrir, comme celles de beaucoup d'autres. Ses biens, meubles et immeubles, furent alors vraisemblablement vendus aux enchères, y compris le lori, lequel, nous avons de bonnes raisons de le croire, fut adjugé au Glen Dovir, en la possession de qui il demeura le reste de sa vie. Après la mort de l'oiseau, nous conjecturons que le Glen Dovir, ne voulant pas renoncer au spectacle de son fameux pennage, le fit empailler, et quelques années plus tard, à l'instigation de Kélial, le présenta au musée d'York, où le lecteur curieux pourra le voir, moyennant le prix d'entrée d'un shilling. Ayant ainsi exposé tout ce que nous savons, et beaucoup de ce que nous ne savons pas sur cet intéressant sujet, il ne nous reste qu'à conclure. Notre prochain sujet sera probablement les poissonx. Poissonx. Les remarques que nous avons faites sur le compte de cette étrange race d'animaux sont tirées en partie de l'observation, en partie des ouvrages d'un auteur allemand, dont le nom n'a pas été livré à la curiosité du monde. Nous croyons qu'on ne les trouve qu'en Allemagne. Notre auteur nous dit qu'il présente usuellement, sic, des saillies par où l'on peut les croquer et les lever hors de l'eau. Les spécimens que nous avons eu l'occasion d'observer, comme on le verra bientôt, ne comportaient pas de saillie, et par conséquent, le croquis ci-contre est basé sur la pure supposition. En quoi consiste le croquage? Nous ne le saurions dire exactement. Si c'est quelque chose comme l'action du chien qui croque un os, c'est assurément un singulier moyen de capture, mais peut-être l'écrivain fait-il allusion au loutre. Le levage hors de l'eau, nous avons également tenté de le représenter, quoique là encore la fantaisie ait été notre seul guide. Le lecteur demandera probablement « Pourquoi introduire une grue dans ce dessin ?» Notre réponse sera que le seul genre de levage auquel nous ayons jamais assisté s'effectuait au moyen d'une grue. Cette partie du sujet, toutefois, sera plus convenablement traitée dans le prochain article. Un autre fait signalé par notre auteur, c'est qu'il nage très volontiers suivant la plaisante direction du bâton. Cela s'entend aisément, et le lecteur le moins doué devinera tout de suite que le seul bâton dont il puisse s'agir est un bâton de sucre d'orge. Nous tenterons maintenant de décrire les poissonx que nous avons examinés. Peau dure et métallique, couleur brillante et nuancée, corps creux, si surprenant qu'il puisse paraître, le fait est strictement exact. Yeux grands et sans expression, nageoires fixes, parfaitement inutiles. Ils sont d'une légèreté surprenante et ont une sorte de bec ou de défense de consistance métallique. Comme ce bec est solide et comme ils n'ont pas d'autre bouche, on s'explique facilement qu'ils aient le ventre creux. Leur couleur est visqueuse et adhère aux doigts. Et ils savent nager à reculons exactement aussi bien que dans le sens habituel. Tous ces faits prouvent qu'on ne doit les confondre à aucun titre avec les poissons anglais, comme la ressemblance des noms pourrait tout d'abord nous y inciter. Ils forment une race particulière d'animaux et doivent être traités comme tels. Réflexion sur les conclusions. Ce doit être notre dernier numéro. Nous, qui nous sommes employés sans relâche durant 6 mois durant à la publication de ce magazine, nous devons maintenant cesser nos travaux et abandonner la digne fonction d'instruire et de divertir le vaste public. Ah, ma foi, cela nous aurait quelque peu consolé en ce moment de mélancolie de voir un successeur convenable prendre notre place. Mais il n'y en a point. Et pourtant, en jetant un regard sur l'avenir, nous croyons pouvoir distinguer l'éclat de quelques météores qui s'approchent dans le firmament. Qu'est-ce donc ? Est-ce une comète que je vois devant moi, avec une queue d'une longueur infinie ? Lecteur, c'en est une. Adieu. C'était Pages arrachées à Lewis Carroll. Une coproduction France Culture et le Théâtre de la Ville, enregistrée à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Premier épisode avec Philippe Lodenbach, Jean-Paul Faré, Olivier Claverie, Élise Caron, Juliette Roudet, Emeline Bayard, Yvan Cory, Pierre-François Garel et Pauline Moulaine. Choix des textes, Pierre Sange. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Benjamin Perru, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire. Les textes lus étaient extraits de l'œuvre complète de Lewis Carroll, parue en 2 tomes chez Robert Laffont, dans la collection Bouquins, traduction Henri Parisot et Jeanne Bougnor.